dur, rouge et noir, l'autoportrait sur mon chevalet. Quand c'est dur, tous les soirs, je me demande ce qu'aurait fait le chevalier. Je me demande si je suis fou allié, j'ai qu'une envie, c'est de défourailler. Sur le ring, je suis contre moi-même et autour, j'entends Ali Boumaïe. Les hommes qui s'en sont sortis le mieux ont bien souffert. La vérité, ça sonne comme un sarcasme. On comprend le point fermé dans l'arcade, pas la main ouverte. J'ai un loup noir et un loup blanc à l'intérieur. Évidemment que je suis dualiste, reconnu par le caissier, le buraliste. La poursuite du bonheur, je suis pas sur la liste. La vie sociale, c'est pour les autres. Aucun message, comme si j'avais pas de réseau. Je me suis nourri de ce qu'on m'a donné. Regarde, j'ai la peau sur les os. J'ai besoin de pas grand chose, mais ces choses là on trouve pas sur Amazon. J'imagine la mère de mes enfants comme une Valkyrie ou une Amazon. J'monte sur Panama Lies on Me, j'suis comme un Anglais à New York. Ma gueule j'ai les mains à Tony, j'suis pas sûr qu'elle soit faite pour l'or. Les frérots m'ont dit garde espoir, demain ça ira Inch'Allah. Moi j'voulais juste que tu remarques, quand j'étais pas là. Comme le jour et la nuit coexistent, dans la merde j'ai trouvé poésie. Mon ennemi, on se revoit au plaisir. Tous les jours, comme une balle au Brésil. Comme le jour et la nuit coexistent. Dans la merde, j'ai trouvé poésie. Mon ennemi, on se revoit au plaisir. Tous les jours, comme une balle au Brésil. Dehors, je veux rien savoir, je suis confiné depuis 25 ans. Moi, la première fois que j'ai ouvert les bras, mauvais moment, mauvais endroit. Les mêmes erreurs, j'ai fait 100 fois. Reptile a perdu son sang froid. Y'a tellement de choses que j'ai voulu te dire. La muselière m'a laissé sans voix. Facile, tu sais, mon rêve, c'est pas facile de pousser du poison dans les racines. Sans mon cœur, j'aurais fait pire que les ISIS. Attaché au mât du navire, parce que le diable a des yeux de saphir. D'où je viens, impossible de rester et impossible de partir. Vis la nuit, déteste-moi, c'est ça qui m'anime. Le fossoyeur, je sais qu'il arrive. J'ai dépassé le stade de la chrysalide. Et j'imagine que la dernière fois que je t'ai vu, c'était sûrement la dernière fois. Et j'en viens à me demander si vraiment mes meilleures années sont derrière moi. Ce soir je m'endors seul, une plaie dans les dorsaux. J'ai connu tant d'heures sombres, on dirait que j'adore ça. Ce soir je m'endors seul, une plaie dans les dorsaux. J'ai connu tant d'heures sombres, on dirait que j'adore ça. Comme le jour et la nuit coexistent, dans la merde j'ai trouvé poésie. Mon ennemi, on se revoit au plaisir. Tous les jours comme une balle au Brésil. Comme le jour et la nuit coexistent, dans la merde j'ai trouvé poésie. Mon ennemi, on se revoit au plaisir. Tous les jours comme une balle au Brésil.